السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جزاك الله خير شيخ. Donc le Cheikh Ibrahim avait mentionné sur l'importance d'étudier la religion et l'importance des cercles de savoir. Il avait notamment mentionné le hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant qu'il n'y a pas des gens qui se regroupent pour étudier le livre d'Allah azza wa jalla, excepté qu'Allah azza wa jalla les mentionne et les couvre de sa miséricorde. Et aussi Abu Huraira radiallahu anhu avait vu des gens dans un marché qui faisaient des choses yani, qui n'avaient rien à voir avec la science légiférée. Et il leur a dit, si vous allez à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que ces biens sont distribués. Donc ils ont délaissé tout leur commerce et ils sont partis courir là-bas. Et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de... il n'y avait pas de biens matériels qui étaient distribués. Ils ont juste trouvé des gens qui étaient en train d'étudier la religion. Ils sont revenus voir Abu Huraira et lui ont dit, mais pourtant nous n'avons pas trouvé de biens qui est distribué. Il lui a mentionné sur le fait que eh bien, les prophètes yani, donnent en héritage le savoir. Donc ils ne laissent pas des biens matériels en héritage, mais c'est le ilm, le savoir. Barakallahu fik. Donc nous étions à la deuxième. Donc, Inch'Allah, et comme. On avait parlé, Inch'Allah. Donc on pensait mettre en place un deuxième créneau pour les cours, Inch'Allah, qui serait le mercredi. Inch'Allah, on va essayer le mercredi, on va voir selon les disponibilités. Mercredi entre le Maghrib et l'Aïcha. Donc contrairement au dimanche, donc le dimanche ce sera focalisé sur la Aqida et le Tawhid, tandis que le mercredi ce sera sur des sujets divers. D'accord ? Ce sera sur des sujets divers, Inch'Allah. Donc les mercredis, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Aïcha, et les dimanches entre le Maghrib et l'Aïcha. Donc nous étions donc à l'étude des quatre règles. Al-Qawa'd al-Arba. Sur les explications de Cheikh Ubaid al-Jabri, hafidhullah, et de Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah. Et nous en étions donc la première règle. Qui était la première règle que nous avons vue ? Inch'Allah, Sulaima. Non. La première règle des Al-Qawa'd al-Arba que nous avons vu dans cela. Dans ce cours-là, je parle. Dans ce cours-là, des Qawa'd al-Arba. On a vu, donc la première règle, c'était que les polythéistes que de Quraysh, pour lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils ne reniaient pas le fait qu'Allah Azza wa Jalla est leur créateur. Donc les polythéistes avaient la certitude que le seul créateur c'est Allah. Ils ne reniaient pas, ça c'est la première règle. Et on avait mentionné sur cela que lorsqu'on fait la da'wah ou lorsqu'on parle, ce n'est pas le but d'essayer de les convaincre qu'Allah Azza wa Jalla existe. Toutes les créatures ont ça dans leur fitra, qu'Allah Azza wa Jal existe. C'est pas essayer de les convaincre dans cela, mais de les faire comprendre que lorsque l'on sait qu'Allah c'est le seul créateur et qu'Allah il t'a créé, alors tu ne dois vouer ton adoration qu'à Allah Azza wa Jal seul, et non pas à un objet ou à une statue ou à une créature. D'accord ? Donc les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils attestaient clairement qu'Allah Azza wa Jal c'était leur créateur. Ça, c'est la première règle. D'accord ? Ils attestaient qu'Allah, c'était leur créateur. Qu'Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui faisait ce qu'il voulait. C'est lui le détenteur de toutes choses. D'accord ? Et Anissa, ils l'attestaient. Pourquoi ils l'ont combattu alors ? Pourquoi ils ont refusé le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils aimaient leurs idoles pour finir. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on avait vu. Quel type de polythéisme? Shirk fil mahabba. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Et ça, c'est shirk fil mahabba. Il y a des gens qui ont pris des associés avec Allah. Ils les aiment comme ils devraient aimer Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient, qui ont la croyance correcte, aiment Allah Azza wa Jal plus que toute autre chose. Donc en fait, ils ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'en fait, ils aimaient leurs idoles et leurs statues comme ils aimaient Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur interdisait de vouer quelque acte d'adoration pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, ils devaient renier l'adoration pour leur statue. Mais eux, ils ont refusé parce qu'ils aimaient leur statue. Hein? Et ils les adoraient pour se rapprocher d'Allah. Nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah. Voilà pourquoi. Ce n'est pas parce qu'eux, ils refusaient de croire en l'existence d'Allah. Non, subhanallah, on avait vu qu'ils croyaient en Allah. Ils croyaient qu'Allah, c'était le seul créateur. Ils croyaient qu'Allah, c'est le seul qui est le détenteur de toutes choses. D'accord? Ils croyaient que le seul qui peut nuire ou te donner un bénéfice, c'était Allah Azza wa Jal. Ils le savaient. Et ils savaient que leurs statues, leurs idoles, ne pouvaient rien leur faire. Mais ils se disaient dans leur croyance qu'en les adorant, eh bien, ça les rapprocherait d'Allah. Voilà pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de vouer un quelconque acte d'adoration pour autre qu'Allah, ils ont refusé. Parce que ils aimaient leur statut comme ils devaient aimer Allah. Et donc ils n'ont pas accepté cela. D'accord? Et donc c'est pour cela qu'ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils ont refusé. Abu Jahl, on avait dit, hein, la tête de la mécréance, il connaissait la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il savait la ilaha illallah. Ja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. A-t-il fait de toutes les divinités une seule? Il vient avec une chose étrange. Il savait que la ilaha illallah, il fallait renier l'adoration pour tout autre qu'Allah. Pour toute autre chose, il fallait renier cette adoration-là. Et il ne fallait l'avouer qu'à Allah Azza wa Jal seul. Donc ça, c'est la première règle, c'est qu'il savait que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il n'invoque et qu'il n'adore et qu'il place leur confiance et qu'ils aiment qu'Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. Et qu'ils ne placent leur confiance qu'en Allah Azza wa Jal. Et qu'ils n'invoquent qu'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la première règle. Et c'est pour cela qu'ils ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on comprend, vous voyez pourquoi c'est important en fait ces quatre règles-là. Ça permet de le clarifier, lorsque la aqida elle est claire, même lorsqu'on fait de la da'wah à des gens, hein, c'est plus clair dans notre message. On ne rentre pas dans les « oui mais vous, votre religion, oui mais je ne sais pas quoi » et on passe notre temps à répondre aux questions, à réfuter les choses. Hein? Non, on perd notre temps. Subhanallah. Allez, je m'en souviens, le cheikh Dimashri Aksin disait, il faut ordonner les gens d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Il faut les inviter à cela. Et ça va être clair. Et les gens, pour eux, c'est clair. Lorsque tu leur dis, mais regarde, ton cœur, il bat, ton sang coule des yeux, tu respires. Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il t'a donné tout cela. Et toi, tu vas adorer une créature qui ne peut ni se défendre, ni se protéger, ni te bénéficier en quoi que ce soit. Donc, ils vont commencer à se poser des questions. Hein? On ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et donc, c'est ça. Ça, c'est le but de cela, c'est pour clarifier, inshallah, les choses qui peuvent être... on peut passer à côté de beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, hein, il y a des gens, ils passent leur temps dans la da'wah à essayer de convaincre les gens qu'Allah existe. Subhanallah. Ils le savent tous, comme on avait dit dans le cours précédent, ils le savent tous au fond d'eux qu'Allah Azza wa Jal existe. Ils ne l'ont pas renié. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous ai donné l'exemple de cet individu-là qui se disait athée. Je revenais de Paris, j'avais mis de l'essence et j'allais repartir sur la route et il y en avait un, il avait une pancarte de la Clofix, c'est marqué Caen. Donc moi je me suis dit, ma voiture elle est vide, lui aussi va sur Caen, je vais le déposer. Il rentre dans la voiture, il dit, merci mon Dieu. Et après il dit, oh excusez-moi, je suis athée. Et, subhanallah. Au fond d'eux, ils le savent. Lorsqu'ils sont au milieu de l'océan, hein, et qu'il y a les tempêtes et les vagues, ou lorsqu'ils sont dans le ciel, ils s'en remettent à qui? Ils s'en remettent à Allah Azza wa Jal seul. Même si toute leur vie, ils ont fait tout pour essayer de se convaincre qu'Allah n'existe pas. Ils se savent qu'Allah Azza wa Jal existe. Mais c'est de les inviter à adorer Allah Azza wa Jal seul. Tu sais que c'est lui qui t'a créé. Celui mérite l'adoration. Et ça, c'est la plus grande des injustices. Hein? Adorer autre qu'Allah ou invoquer autre qu'Allah. C'est la pire des injustices. Pire des injustices. C'est la pire. La pire, la pire, la pire. C'est pire, hein, que la fornication. C'est pire que le vol. Il y a des gens, lorsqu'il leur dit, un tel, il est tombé dans le zina. Pour eux, c'est pire que le shirk. Si quelqu'un, s'ils voient quelqu'un en train d'adorer une tombe ou invoquer autre qu'Allah, ça leur fait rien du tout. Mais s'ils voient quelqu'un faire du zina, pour eux, c'est pire. C'est la mauvaise compréhension de la aqida. D'accord ? Ça, c'est un grand péché, zina. Lequel ? Le pire des péchés, c'est le shirk. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et Allah Azza wa Jal dit, comme lorsque cet homme pieux, Luqman, conseillait son fils, il disait « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adim. » Oh mon fils, ne donne aucun associé à Allah, car l'associationnisme, le polythéisme est la pire des injustices. Donc, première règle, bien claire, inshallah, c'est que les polythéistes auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils étaient convaincus que le seul créateur, c'est Allah. D'accord ? Mais ils reniaient le fait, ils comprenaient qu'on devait vouer toute l'adoration à Allah, mais ils ne l'acceptaient pas. Ils ne l'acceptaient pas. Et ils voulaient rester sur leur shirk, parce qu'ils aimaient leur statut comme ils aimaient Allah. Et c'était pour se rapprocher d'Allah, parce que ces polythéistes-là, ces mouchriquines, hein, ils faisaient le hajj. Ils donnaient la sadaqa. D'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils associaient à Allah Azza wa Jal. Et donc, rien de leur action n'était accepté. Même s'ils donnent la sadaqa, et même s'ils font leur hajj, ou même s'ils font quoi que ce soit comme action, comme bonnes actions, ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Si une personne, n'importe quel individu, fait des bonnes actions, d'accord, mais associe quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, eh bien, rien de ses actions n'est accepté. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَ شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi, ô Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes quoi que ce soit à Allah, toutes tes actions seront vaines et tu seras parmi les perdants. Subhanallah. Toutes tes actions seront vaines. Vous voyez le danger? Ça, c'est le pire des dangers. Et c'est par là que le shaitan va commencer, hein, à essayer de pousser l'individu. Il va l'essayer de le pousser dans quoi? Dans le shirk. C'est la première chose qu'il va essayer. Subhanallah. Pour que l'individu tombe dedans. Subhanallah. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit clair. Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas pour celui qui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, Allah Azza wa Jal, il pardonne. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas une œuvre qui a été corrompue avec du polythéisme. Le fait que l'individu, comme on avait expliqué dans les cours précédents, il fait ses salettes. D'accord ? Puis, il croit au porte-bonheur. Ou bien, comme nous allons voir, inchallah, dans les prochains cours, il porte des bracelets en cuivre. Il pense que ça va le soigner. Ou il porte des bagues en cuivre ou en une certaine matière. Ils pensent que cela va le protéger ou va le soigner. Ou ils accrochent ce qu'ils appellent les mains de Fatma dans leur voiture. Ou ils mettent les fers à cheval. Hein, fers à cheval au niveau de leur maison. Ouais. Ou bien ce qu'ils vendent aussi en Turquie. Hein, à chaque fois qu'il y en a qui vont en Turquie, ils ramènent ce genre de truc. C'est un truc avec un œil. Hein, et ils disent ça va faire fuir. Vous voyez, le problème, il est où là? Il y a deux types. Si l'individu croit que c'est cela qui repousse l'œil, que c'est cela qui le protège, que c'est cela qui peut avoir un certain impact dans sa vie, ça c'est du shirk akbar. C'est du polythéisme majeur. Ça annule l'islam de la personne. Il n'est plus musulman. Mais s'il croit, et il est convaincu que non, ça ne vient pas de ça, mais ça peut aider, ça peut causer. S'il croit que ça peut aider, ça peut causer, ça c'est du polythéisme mineur. Et Allah, Azza wa Jal, le Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajri, Habibullah, avait mentionné dans un de ses cours que ce verset-là, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais pardonne à qui veut en dehors de cela. Il a dit cela inclut le polythéisme, hein, le shirk al-akbar al-asghar, polythéisme majeur et mineur. Vous voyez le danger? Parce que le polythéisme mineur, c'est pas parce qu'on dit mineur que ça veut dire que c'est plus petit. Ça fait partie des péchés majeurs, ça. Ouais. Donc il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Et puis c'est pour ça que le but, lorsqu'on comprend la aqida, inshallah, c'est plus clair. Et le plus on comprend Allah. Et il y avait un autre point qu'on avait oublié de mentionner. Tournant Barakallahu fik par la question qui était posée lorsque comment on pouvait atteindre la crainte dans la salat. Hein? Par le ilm déjà. Le savoir. Le plus tu connaîtras Allah Azza wa Jal, le plus tu le craindras. Le moins tu le connaîtras, le moins tu le craindras. Et le moins tu penseras que Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah vous observe constamment. Mais l'individu qui, plus elle étudie, plus elle comprend mieux sa religion, plus elle fait du dhikr, plus elle lit le Coran, hein, elle ne vaut pas que comme celui qui a délaissé tout cela. Vous voyez? Parce que celui-ci est tout le temps accroché dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, il se rappelle de cela, il sait qu'Allah l'observe constamment. Donc vous voyez, barakallahu fikou. Donc première règle, il savait qu'Allah c'est le créateur. Mais ça n'a pas fait pour autant d'eux des musulmans. Croire qu'Allah existe, ça ne fait pas de toi un musulman, d'accord? Mais il faut croire aux quatre points qu'on avait dus, à l'existence d'Allah, et la définition de la foi en Allah, la foi en Allah, pas les piliers de la foi en Allah. C'est de croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal et Aqsam al-Tawhid. Hein? L'Iman, bi wahdaniyat Allah, fi rububiyyati. La foi en Allah dans sa seigneurie. Donc il faut croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal. En la foi en Allah dans sa seigneurie. L'Iman, bi wahdaniyat Allah, bi asma'ihi wa sifati. La foi dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans ses beaux, parfaits noms et attributs. Wal-Iman bi wahdaniyatillah fi uluhiyatih, et la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. C'est-à-dire qu'on ne voue qu'à Allah Azza wa Jal l'adoration. Donc, ça c'était pour la première règle. Deuxième règle, on avait vu, Al-Qa'idatu thaniya, annahum yaquluna ma da'unahum. وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La deuxième règle, c'est qu'ils disent: nous ne les invoquons ces idoles et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset 3 de Sourate Az-Zumar, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. » Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. والدليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et le fait qu'il leur demande l'intercession à ces idoles-là est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 18 de Sourate Younes, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc le Cheikh Ubayd Hafidhullah a dit, en expliquant cela, خلاصة هذه القاعدة أنه يحرم على المرء أن يجعل بينه وبين الله واسطة يتقرب إلى الله بهم في دعاء والشفاعة. Pour cette règle, c'est qu'il est interdit pour l'individu de prendre un intermédiaire entre lui et Allah. Strictement interdit. D'accord ? En islam, c'est la relation directe avec Allah Azza wa Jal. Interdit de prendre un intermédiaire. D'accord ? Cherchant par cela à se rapprocher d'Allah, de par leur biais dans l'invocation et l'intercession. وَذَلِكُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَسْأَلُهُ بِلَا وَاسِطَةٍ وَوَعَدَهُمْ بِالْإِجَابَةِ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et ceci, comment c'est quoi la preuve? C'est que Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs à ce qu'il demande à Allah Azzawajal seul et directement, sans passer par d'intermédiaire. Et Allah Azzawajal leur a promis de leur répondre. Tel qu'Allah Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset 60 de Surat Ghafir, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. » الأمر الثاني من ملخص هذه القاعدة أن ما تعلل به المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه من أنهم أرادوا القرب إلى الله والشفاعة هذا الشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا الذي حذر منه المصنف ودلل من الكتاب الكريم على بطلانه وأن الله عاب على المشركين ما صنعوه من ذلك وهو موجود اليوم في زمننا من يتعلل بعلة المشركين فيقول نحن أحقر من أن نتوجه إلى الله علينا من الذنوب ما يفتننا فنتوجه بهؤلاء. Ça c'est l'excuse qu'il donne. Donc le deuxième point en résumé de cette règle là, la règle qu'ils disent, on les adore, en fait on les adore et invoque ces statues là, c'est juste pour se rapprocher d'Allah. Ce deuxième point-là, c'est que les polythéistes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recherchaient le fait de se rapprocher d'Allah azza wa jal et souhaitaient l'intercession en la demandant à autre qu'Allah. Et ceci, c'est du polythéisme et de la mécréance en Allah azza wa jal. Invoquer autre qu'Allah, comme on l'avait dit dans le cours précédent, quelle est la preuve? Que invoquer, c'est une adoration. La preuve qu'invoquer, c'est une adoration. Que le dua, c'est une adoration. C'est un acte d'adoration. Ce n'est pas comme certains qui croient que le fait qu'ils invoquent, c'est pas une adoration. Invoquer, c'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Ad-du'a huwa al-ibada » L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc chercher un intermédiaire entre lui et Allah, en se disant je vais demander à lui qui est plus proche. On avait demandé à certains groupes qui disent non, tu ne peux pas toi demander à Allah. T'as trop de péché. T'es trop sale en péché. Tu n'es pas digne d'invoquer Allah. Vous voyez comment que subhanallah, comment il trompe les gens avec cela. Et ça c'est facile, hein. Comment égarer une personne? Vous jouez avec les émotions. Vous jouez avec les émotions. Est-ce que ces gens-là, ils vont dire, regardez Allah, il dit, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, voilà, comme, avec quoi je prouve cela? Non, ils vont te dire, tu es sale avec tes péchés, tu n'es pas digne d'invoquer Allah, le Très-Haut, hein, qui est pur, et qui n'accepte que ce qui est pur. Tu vois? Et d'autres vont jusqu'à donner des images. Si toi, tu touches du 40 000 volts, tu vas te faire griller direct. Mais il faut que tu passes par un intermédiaire du 5000 volts qui, tu vois, subhanallah. Ça, c'est comment tromper les gens. Alors que ça, c'est strictement faux. C'est strictement faux. Où que tu sois sur terre et eri, ou sur les mers ou les océans, peu importe ton endroit sur terre, hein, tu sais que si tu te prosternes pour Allah Azza wa Jal et tu ne t'en remets qu'à Allah Azza wa Jal, et tu sais que de toute façon, et eri, le destin, c'est Allah Azza wa Jal qui a déjà tout écrit. Tu sais que ce qui t'arrivera, c'est le décret d'Allah. C'est le décret d'Allah seulement. Tu ne t'en remets à Allah, peu importe où que tu sois sur terre. Tu ne t'en remets qu'à Allah Azza wa Jal seul. Hein? Tu n'as pas besoin de passer par un tel ou un tel ou un tel. Tu fais deux rak'at, tu t'en remets à Allah, tu as le cœur apaisé. Peu importe sur terre, mon frère, subhanallah. Hein? Ce n'est pas essayer de rechercher, ah, j'ai pas cette statue-là avec moi. Donc je ne peux pas la voir. Donc eux, ils doivent avoir cette image ou cette statue devant eux pour qu'ils puissent hein, se concentrer et puis pour passer, subhanallah. Donc non. Donc ça, c'est du polythéisme. Rechercher un intermédiaire, c'est du polythéisme et de la mécréance. Tu dois invoquer qu'Allah seul, sans passer par autre chose. Et c'est ceci qu'a mis en garde l'auteur de ce livret, en montrant, par le livre d'Allah, que le fait d'agir comme ont agi les polythéistes, cela est totalement faux et interdit, et Allah a clairement interdit cela. Et la façon dont ont agi les polythéistes du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous la trouvons également dans notre époque, avec des gens qui expliquent leur polythéisme de la même manière que leurs prédécesseurs. Ils disent, nous ne sommes pas dignes de nous adresser directement à Allah, car nous sommes remplis de péchés, qui nous rend indignes à demander directement à Allah. Alors nous demandons à des intermédiaires. Et ça, c'est strictement interdit et faux. ومن الدعاة الذين يدعون المسلمين إلى أن يسلكوا ما سلكته مشركة قريش الأولى. Et donc, comme j'ai dit, il y en a hein, qui sont impliqués dans la da'wah, ils vont dire non, ils vont essayer de jouer avec les émotions pour égarer les gens du droit chemin. والشفاعه شفاعتان. Donc on avait vu, il y a deux types d'intercession. الشفاعه شفاعتان. شفاعه منفيه وشفاعه مثبته. شفاعه منفيه وشفاعه مثبته. Donc il y a deux types d'intercession. Une intercession qui est niée, interdite, et l'autre confirmée. Il y en a une qui est niée, l'autre qui est confirmée. فالشفاعه المنفيه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. Donc il y a deux types d'intercession, l'une qui est niée et l'autre qui est confirmée. L'intercession niée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 254 de Sourate al-Baqarah. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc le cheikh Ubayd, hafidhullah, dit « Wa mulakhasu hadha awwalan » أن من الشفاعة ما هو حسن ومحمود لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وما هو قبيح مذموم لأن الله سبحانه وتعالى ذمه في كتابه ونهى. Donc il y a donc l'intercession qui est approuvée puisqu'Allah le Très-Haut l'a mentionné dans son livre, et il y a celle qui est blâmée et interdite tel qu'Allah Azza wa Jalla l'a montré dans son livre. وفي هذا الرد على من يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في حق من يزعمون لهم الولاية في الدنيا والآخرة وهؤلاء مشركون. Et dans ceci, il y a une réfutation claire de ceux qui affirment que l'intercession ne se demande uniquement à ceux qu'ils prétendent que ce sont des awliyas, des saints, des alliés d'Allah, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ceux qui prétendent ça, que aller voir par exemple les tombes, ceux qui sont morts en disant que c'est un sidi, je ne sais pas quoi, d'accord ? Allahu a'lam, déjà, il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui sait qui est un wali. Et les conditions d'être un wali, ce n'est pas donné juste aux morts. Barakallahu fikum. Même celui qui nettoie la mosquée, c'est peut-être un wali, on n'en sait rien. Parce que l'wilaya, le fait d'être wali, il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui sait. Et pour, déjà il faut se donner les causes. Allah, inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dans Surat Yunus, Allah Azza wa Jalla dit: n'est-ce pas que les alliés d'Allah, nulle crainte sur eux et ils ne seront point attristés? Qui sont-ils? Hein? Ceux qui croient, qui ont la croyance correcte et qui craignent Allah comme il se doit. Donc si tu as la croyance correcte, comme celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et que tu crains Allah comme il se doit, tu as les conditions d'être un wali. Et Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait. D'accord? Donc il ne faut pas croire que automatiquement, lorsqu'il y a une tombe surélevée, c'est automatiquement un wali. Il ne faut pas tomber dans ça. Il y en a au Pakistan qui s'ils ont fait, ils faisaient le tawaf, hein, le fait de tourner autour. Ça ne se fait qu'autour de la Kaaba. C'est interdit de le faire ailleurs. Ça ne se fait qu'autour de la Kaaba. D'accord? Eh bien, ils faisaient autour de cette tombe-là. Et ils disaient qu'il y avait un wali qui était enterré. Et il s'avéra en fait que c'était un chien qui était enterré là. Ils ont dit parce qu'en fait un wali l'a regardé et le fait qu'il l'a regardé dans les yeux, il est devenu le wali des chiens. Subhanallah. Allez, vous voyez, imaginez, les gens qui ne sont pas musulmans, ils entendent ça. Qu'est-ce que vous croyez ils vont dire? Ils vont dire c'est quoi? C'est les mythes, les légendes là, votre religion, c'est quoi? Hein? Subhanallah. C'est quoi c'est le wali des chiens et... Alors ça, c'est un chien qui est enterré, les gens tournent autour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qui s'est passé entre eux, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre eux n'est parti se mettre au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre eux n'est parti demander l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre eux ne tournait autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre eux, subhanallah. Et c'est les gens qui entendent ça. Et ces gens-là, ils écrivent des livres, ils les distribuent, ils les mettent dans des tracts, dans des dépliants. Subhanallah. Les gens, ils ne sont pas musulmans, ils lisent ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Subhanallah. Des gens, ils font des tracts, des dépliants. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps faire attention à ce qui se pose dans la bibliothèque. Ils font des dépliants, ils écrivent comme ça tout seul sur l'ordinateur, ils sortent le dépliant. Un frère, il donne le dépliant, parce que j'étais sur Flair, il me disait, ça c'est un frère qui me l'a donné. Je lisais, il est strictement interdit de demander où est Allah. C'est quoi sa preuve? Sa philosophie. Vous voyez pourquoi, subhanallah, faut faire très attention à ce qu'on lit, d'où on prend. Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, un des savants parmi les tabi'i, dans la préface de Sahih Muslim, avait dit, هذا العلم دين. Ce savoir, c'est votre religion. فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Regardez donc de qui vous la prenez, de qui vous prenez votre religion. Il vient et il dit, il est strictement interdit de demander à Allah. Alors que le hadith est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'esclave de Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, parce qu'il lui avait donné une claque et après il s'en est voulu le fait d'avoir fait ça. Et il voulait la libérer. Il a dit, oh messager d'Allah, est-ce que je la libère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet esclave-là, dans Sahih Muslim, il a demandé, Aïn Allah, où est Allah? Alors, et ces gens-là, ils écrivent, il est strictement interdit, subhanallah. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention entre eux, ce que les gens ils disent, ce que les gens. On ne prend pas ça de façon traditionnelle. Vous voyez, comme nos pays, on a tout le temps fait ça, on a tout le temps vécu comme ça. Non, subhanallah. Il se peut que les gens ils se sont trompés. Subhanallah. Nous, maintenant, si on diffère sur une chose, où est-ce qu'on le retourne? On le retourne voir les anciens, de où est-ce qu'on habite, ou on va voir qui? Non, on le retourne à Allah Azza wa Jal et à son messager. Quelle est la preuve dans cela? Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasul wa uli l'amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. En sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jalla dit, oh vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent la gouvernance parmi vous. Si vous différez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et à son messager. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, retournez-le à Allah, ça voulait dire retournez-le au livre d'Allah. Et retournez-le au messager, ça veut dire, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retournez-le à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On diffère ? Eh bien, venez, on voit. Alhamdulillah, tout est répertorié. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. On ne se tient pas sur des mythes et des histoires. Barakallahu fikoum. Donc, le premier type de shafa'a, hein, comme on a dit, shafa'a al-madmouma, summiyat manfiya li anna Allah nafaha an ghayri awliya. L'intercession blâmée a été nommée intercession niée car Allah l'a reniée de ceux qui ne sont pas des awliya. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية والشاهد منها قوله تعالى والكافرون هم الظالمون والمعنى أن من كفر بالله وأشرك به لا تنفعه الشفاعة ليس من أهلها لأن الله لم يرضى قوله ولا عمله. L'auteur a utilisé comme preuve le verset et ce sont les mécréants qui sont les injustes, signifiant que celui qui a mécru en Allah et qui lui a associé quoi que ce soit, l'intercession ne lui sera utile en rien. En rien. Car il ne fait pas partie de ceux qui peuvent en bénéficier. Car Allah n'a pas agréé ni ses paroles, ni ce qu'il a œuvré. Al-Shafa'a al-Muthbata. هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. Donc ça c'est important, il y a trois points ici. من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et l'intercession confirmée, donc celle qui est confirmée dans le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est demandée à Allah. C'est celle qui est demandée à Allah. Et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder. Et dont Allah, Azza wa Jal, est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Donc il est satisfait des paroles et des actes, mais cette intercession-là ne peut se faire qu'après la permission d'Allah, Azza wa Jal. Donc il y a trois points, comme nous allons voir, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'Allah azza wa jalla dit, dans sourate al-Baqarah, la traduction du sens du verset 255, « Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ?» Qui peut intercéder auprès d'Allah azza wa jalla sans sa permission ? Personne. Il faut la permission d'Allah azza wa jalla. Il faut d'une part qu'Allah azza wa jalla soit satisfait de ses paroles, de ses œuvres, et en plus, il doit recevoir la permission d'Allah azza wa jalla. Donc ce sont les trois points-là. الشفاعه المثبته وهي التي اثبتها الله في كتابه واثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في المتواتر من سنته وصح بها النقل عنه ولذلك سميت مثبته. L'intercession approuvée est celle qu'Allah le Très-Haut l'a approuvée dans son livre et qui a également été approuvée par le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dans de nombreuses narrations authentiques. ولها عند أهل السنة شرطان. Donc selon les gens de la sunna, l'intercession confirmée a deux conditions. أحدهما إذن الله للشافع والله لا يأذن إلا لمن رضي عنه ليس لكل أحد أن يشفع. Selon les gens de la sunna, donc l'intercession confirmée a deux conditions. Premier point, la permission d'Allah. Déjà, la permission d'Allah qu'il donne à celui qui intercédera. Et Allah ne donne la permission qu'à celui dont Allah l'agrée, et ce n'est pas n'importe qui intercédera. Ce n'est pas n'importe qui intercédera. C'est celui dont Allah Azza wa Jal décidera. Et c'est celui dont Allah Azza wa Jal agrée ses œuvres. D'accord ? L'agrée et agrée ses œuvres, et il le fera que par la permission d'Allah. وَثَانِهِمَا رِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفت من حرصك على الحديث. علق العلامة الشيخ محمد الأمن الجامي رحمه الله قائلا عن هذه الجملة في الحديث لأنه يعلم أنه يحب العلم كثير ويحب الحديث كثير. أسعد الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة تكريم من الراضي للشافع، وهي كذلك رحمة منه سبحانه وتعالى للمشفوع فيه. Donc, la deuxième condition. Donc, première condition, il faut déjà la permission d'Allah Azza wa Jal, à celui à qui il aura agréé. D'accord ? Deuxième condition, l'agrément d'Allah pour celui qui bénéficiera de l'intercession. Et Allah n'agrée que sur les gens du tawhid, du pur monothéisme. Il n'agrée que sur ces gens-là, du pur monothéisme. Tel que cela est prouvé dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et d'autres, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, qui a dit « J'ai questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sera à même de bénéficier de ton intercession, ô messager d'Allah ?» Il dit « Je doutais bien, ô Abi Huraira, que personne avant toi ne me questionnera sur cela, sachant que je sais combien tu es attentionné au hadith. » Celui qui serait à même de bénéficier de mon intercession est celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement de son cœur. Vous pensez sincèrement que quelqu'un qui délaisse la prière a ces attributs-là ? Dire « La ilaha illallah » sincèrement de son cœur, ça implique toutes les conditions. Barakallahu fikum. Toutes les conditions. C'est pas juste « La ilaha illallah », je le répète 2 fois, 200 fois, 3000 fois, sans comprendre ce que ça veut dire. Sans comprendre ses conditions, sans comprendre ce que ça implique. D'accord ? L'intercession, c'est un honneur d'Allah qui agrée pour celui qui intercédera, et c'est une miséricorde d'Allah, le Très-Haut, pour celui qui bénéficiera de l'intercession. Donc celui qui sera un intercesseur, ça doit être déjà quelqu'un qui est que celui dont Allah Azza wa Jal agrée ses paroles et ses œuvres, et qui reçoit la permission d'Allah. Et celui qui reçoit l'intercession, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui reçoit, c'est donné à qui ? C'est donné au pur monothéiste. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que ceux qui bénéficieront de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui sont sur le pur monothéisme. Qui disent « Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah sincèrement de leur cœur. » Sincèrement de leur cœur. « قال الشيخ العلامة محمد أمين الجامي رحمه الله تقع الشفاعة من الشافعين بعد إذن من الله شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله أن يكون من الموحدين. Donc, l'intercession arrivera après la permission d'Allah. Donc, ceux qui intercéderont le feront qu'après la permission d'Allah. D'accord ? Déjà à condition que celui pour qui il recevra l'intercession soit quelqu'un dont Allah agrée ses paroles et ses œuvres. Qu'il soit des purs monothéistes. كثير من الناس مازال في كلام تاع الشيخ محمد امين الجامي رحمه الله encore la parole de Cheikh Mohamed Amin al-Jami رحمه الله qui dit كثير من الناس يقعون فيما يمنع الشفاعه الشفاعه لا ينالها الا المخلصون. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui tombent dans ce qui empêche de bénéficier de l'intercession. Il tombe dans beaucoup de choses qui empêchent de bénéficier de l'intercession. Car l'intercession ne la bénéficie que ceux qui sont sincères envers Allah Azza wa Jal, qui sont sur la droiture, qui sont purs monothéistes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه مخلصا من قلبه بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه هذا الذي هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Oui. Donc, il avait redit une autre fois le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ceux qui bénéficieront, ceux qui seront heureux, qui bénéficieront de mon intercession le jour de la résurrection, ce sont ceux qui disent « Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, sincèrement de leur cœur. » Et il a expliqué « sincèrement de leur cœur », c'est quoi ? C'est que ce qu'il a dans son cœur n'oppose pas ce qui est dit dans sa langue. Et ce qui est dit dans sa langue n'oppose pas ce qui est dans son cœur. Sincère. D'accord ? C'est pas, entre guillemets, un double agent. Il croit quelque chose et il dit autre chose. Ou il dit quelque chose et il croit en autre chose. Qu'est-ce que je veux dire ? Sincère. قلت بعض الناس يحب أن ينال الشفاعة لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا. Donc le cheikh a dit, j'ai dit que il y a des gens qui ils veulent recevoir l'intercession, mais ils tombent dans ce qui empêche l'intercession de par leur ignorance. Ils se mettent à faire des choses qui les empressent. Par exemple, il suffit qu'il leur arrive quelque chose. Une famille, par exemple, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Hein ? Va voir un tel, il va te faire un truc, tu vas te mettre à avoir des enfants. Hein ? Ces gens-là qui se remettent pas en question, qui se disent pas que c'est un test d'Allah Azzawajal, et qui doivent patienter. Et ils s'empressent et, par ignorance et ils tombent dans cela. Et ils pensent que autre qu'Allah Azzawajal peut leur donner des enfants. C'est du shirk ça. Donc ils tombent dans ce qui empêche l'intercession. Alors que eux, ils souhaitent l'intercession et ils veulent l'intercession. من موانع الشفاعة من أهم موانع الشفاعة الشرك يشرك بالله يترك الله فيترك الشفاعة التي هي ملك لله يطلب ممن لا يملكها ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك من أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم عباد على الله من هو من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi ceux qui ne permet pas à un individu de bénéficier de l'intercession, c'est le polythéisme. Il associe à Allah, en faisant cela, il délaisse Allah, et par cela, il délaisse l'intercession qui appartient à Allah seul. Il demande l'intercession à celui qui ne la possède pas. Et il compte sur cette créature qui ne la détient pas. La meilleure et la plus noble créature auprès d'Allah, c'est qui ? C'est le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. كما تعلمون في شفاعة العظمى عندما تتقدم الناس بعد الحيرة يتقدمون بطلب الشفاعة يبدأون بالترتيب الطبيعي يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل رسول من هؤلاء يقول لا لست لها نفسي نفسي. Comme vous le savez, dans la grande intercession, lorsque les gens s'avanceront, le jour de la résurrection, lorsque les gens s'avanceront après la peur, la confusion, ils s'avanceront pour demander que l'on intercède en leur faveur. Ils commencent donc par voir dans l'ordre Adam, qui est le premier prophète. Qu'est-ce qui différencie Adam de Nuh ? Qu'est-ce qui différencie Adam de Nuh ? Entre parenthèses. Adam. Adam, c'est un Nabi. Barakallahu fik, c'est pas un Rasoul. Adam, c'est un prophète, c'est pas un messager. Alors que le premier prophète et messager, c'est Nuh, alayhi salam. Et entre Adam et Nuh, comme Ibn Abbas, radiallahu anhu a dit, il y a 10 siècles. Ferme la parenthèse, inshallah. Donc, ils commenceront donc par voir, dans l'ordre, Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa. Et chaque messager, prophète, répondra, « Non, je ne suis pas de ceux qui peuvent la donner, ma propre personne, ma propre personne. » يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. Car chacun annonce, chacun de ces prophètes et messagers annonce qu'Allah s'est mis en colère ce jour d'une colère dont il ne s'est jamais mis en colère. Comme ce jour-ci. Et il ni ne se mettra en colère comme ce jour-ci. Après, le Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, dit « Ithbat sifat al-ghadab عند جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا لها لأن الله أعلمه. Donc l'attribut de colère, parce que lorsqu'on verra inshallah ce que Tawhid al-Isma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans les parfaits noms et attributs. Donc les gens de la Sunna, d'accord, ils disent ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Et dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il s'arrête là où ça commence et ça s'arrête. Il ne sort pas de ce cadre-là. Et il confirme les attributs qu'Allah s'est confirmés. D'accord ? Et l'attribut de colère a été confirmé dans ce hadith. L'attribut de colère est confirmé par tous les prophètes alayhi salatu wa salam, jusqu'au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dira « Je peux intercéder car Allah l'en a informé. » Donc lorsqu'il dira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Je peux intercéder », la question c'est, alors comment il intercédera-t-il ? Yasta'zin, il demande la permission à Allah azza wa jalla. Donc lui, il peut intercéder, le messager d'Allah. Il dira que je peux intercéder. Pourquoi ? Parce qu'Allah l'en a informé. Et comment pourra-t-il intercéder ? Tout d'abord, il demande la permission à Allah. وَتَرِيقَةُ الْإِسْتِئْذَانِ أَنْ يَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً طَوِيلًا فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتْرُكُهُ فِي السُّجُودِ فَتْرَةً طَوِيلًا جِدًّا فيثني على الله ويمدحه ويعظمه في هذا السجود سجود الشفاعة سجود الاستئذان سجود الشفاعة سجود الاستئذان. Donc la façon maintenant comment il demande cette permission là d'intercéder, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment il la demande à Allah azza wa jal, il fait une longue prosternation à Allah azza wa jal. Il fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fait une longue prosternation. Et Allah azza wa jalla le laisse dans cette prosternation-là une longue période. Dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la grandeur d'Allah azza wa jalla. Ça, c'est la prosternation de permission. Pour demander la permission d'intercéder. Wa ba'd hadha as-sujud at-tawil yuqal li sayyid ash-shufa'a يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. Donc après cette longue prosternation, il lui sera dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohammed, lève ta tête et demande, il te sera donné, et intercède, tu intercéderas. Là, faut bien se concentrer parce que c'est très important. Et on va voir inshallah. Fayaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fayahuddu Allah li haddan ya'ni majmu'atan min an-nas. Subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que après qu'il a reçu la permission d'Allah azza wa jalla qu'il peut intercéder, eh bien, Allah Azza wa Jal lui limitera un certain nombre de personnes. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَيَقُولُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam, فَيَحُدُّ اللَّهُ لِي حَدَّهُ يَعْنِي مَجْمُوعَةً مِنَ النَّاسِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, une fois qu'il reçoit la permission d'intercéder, la façon de cette demande de permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire une longue prosternation pour Allah azza wa jal en mentionnant la grandeur d'Allah azza wa jal, et il est resté comme ça longtemps. Allah azza wa jal le laisse une longue période. Puis Allah azza wa jal lui dit, lève ta tête Mohammed, demande, tu recevras, et intercède, tu intercéderas. Et donc, il dit ensuite, malgré qu'il a reçu la permission, Allah, Azza wa Jal, lui limite un certain nombre de personnes à intercéder. Car c'est Allah, Azza wa Jal, qui décide qui bénéficiera de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pour un groupe de gens. Thumma yasjudu marratan ukhra kas-sujud al-awwal fayuqalu lahu ma qila fi as-sujud al-awwal fayahuddu lahu hadda marratan thaniya wa hakadha tatakarrar hadhihi ash-shafa'a 3 marrat. Subhanallah. Donc deuxième fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redemande la permission d'Allah Azza wa Jal, il refait cette longue prosternation, puis comme nous avons mentionné dans le hadith, Allah Azza wa Jal lui dira de lever sa tête et il lui donnera la permission d'intercéder. Et il lui limitera une deuxième fois un autre groupe de gens. Puis une troisième fois. Cette shafa'a-là, cette intercession-là, hein, cette fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire, elle se fera trois fois. Trois fois, subhanallah. لنعلم بأن الشفاعة لله والشفاعة كلها لله ملك لله لا يجوز أن تطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه العبارة يستصعبها العاطفين الذين يظنون أنهم وحدهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه كل شيء لا يطلب لا يطلب إلا إلا من الله لما في ذلك الشفاعة وهل هناك جهل أكبر من هذا الجهل هذا جهل مركب علاجه يصعب والله المستعان. Donc le cheikh Mohamed Amin al-Jami rahimahullah dit que l'on sache, après qu'on a vu cela, que la façon comment elle est faite, que l'on sache que l'intercession n'appartient qu'à Allah seul. Elle n'appartient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'appartient qu'à Allah azza wa jal seul. Vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit que Allah azza wa jal lui limitera un certain nombre de personnes. Ça n'appartient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui pourra intercéder, et que en plus, malgré cela, il doit demander la permission d'Allah Azza wa Jal. Il l'a fait par cette longue prosternation, puis ensuite, Allah Azza wa Jal lui donne la permission d'intercéder, mais lui limite un certain nombre de personnes. D'accord ? Donc pour que l'on comprenne, et on avait dit que cela se réitérera trois fois, pour que l'on comprenne que l'intercession n'appartient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est Allah Azza wa Jal, elle n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et qu'il est interdit de la demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ? Vous comprenez maintenant ? Il ne faut pas tomber dans ce que avait dit le cheikh Mohammed Ibn Jami, rahimahullah, qu'il y en a des gens qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde. D'accord ? De par cet amour-là, qu'ils prétendent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils en vont. Ils en arrivent jusqu'à aller la demander, cette intercession-là, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et il avait dit, le cheikh, rahimahullah, il avait dit, y a-t-il une ignorance plus grande que cette ignorance ? Il avait dit, ceci est un jahl, yani, hada jahlun murakkab. Un jahl murakkab, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'individu ignore qu'il est ignorant. Il avait dit, et ça c'est le pire, et c'est la plus difficile des choses à lui trouver un remède. Il ignore qu'il est ignorant. Et en plus de cela, il va argumenter, et il va défendre un point de vue avec tout sauf les preuves. Subhanallah. Il dit, et c'est en Allah Azza wa Jal que nous recherchons l'aide. Donc, il ne faut pas tomber dans ce genre de truc. Nous, là, aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Yani, c'est pas juste dire qu'on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut le suivre et lui obéir. Il faut l'aimer plus que notre propre personne, plus que notre famille, plus que notre propre personne. On doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Mais ça implique que si on aime quelqu'un, eh bien on lui obéit. On ne le contredit pas. Ou bien on dit, non, je ne suis pas ce hadith-là ou je ne veux pas écouter ce hadith-là, ou subhanallah. Hein? C'est de lui obéir et de le suivre. Ce n'est pas juste une prétention. Parce que si on peut prétendre, eh bien n'importe qui peut prétendre ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire, subhanallah. Mais il y a les actes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis, excepté ceux qui refusent. Les sahaba, ils ont dit, qalu wa man ya'ba ya rasulallah. Ô messager d'Allah, qui va donc refuser? Toute ma communauté, hein, entreront au paradis. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, excepté ceux qui refusent. Qila wa man ya'ba ya rasulallah, qui donc refusera au messager d'Allah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Quiconque m'obéit entrera au paradis. Et quiconque me désobéit est celui qui refuse. Subhanallah. Oui. Donc ce n'est pas juste de dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore faudrait-il le suivre et lui obéir. وهذه القاعدة الثانية نلخصها الحمد لله. Comme ça aujourd'hui on aura fait la complète deuxième règle, comme ça la semaine prochaine on fera la troisième règle. J'ai dit mercredi ce sera un sujet divers, d'accord. Le dimanche ce sera juste aqidat tawhid, mercredi ce sera, j'ai dit jeudi, mercredi inchallah entre le maghrib et l'aïcha ce sera des sujets divers inchallah. Donc, وهذه القاعدة الثانية نلخصها. Donc, ça c'est la parole de Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Comment résume-t-on donc cette deuxième règle? عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى, il dit le cheikh, je répète. عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية وعرفتهم الدليل. Donc, la deuxième règle, comment la résumer? On va dire le cheikh, pour que ce soit bien clair, inshallah. L'adoration des polythéistes, d'accord, qu'ils vouaient à leurs idoles, elle était dans le but juste, hein, c'était juste en tant qu'intermédiaire qui le prenait avec Allah. Parce qu'on avait vu que ces polythéistes-là croyaient qu'Allah azawajal est le seul créateur. Ils aimaient Allah, ils aimaient son statut, bon, on ne va pas revenir à ce qu'on a dit. L'adoration que ces polythéistes vouaient à leurs idoles était seulement en tant qu'intermédiaire et en tant que soi-disant ce seront eux les intercesseurs pour eux. Ils pensaient qu'en les adorant, eux, ils pourront intercéder pour eux. D'accord ? Et ils les prenaient en tant qu'intermédiaire avec Allah Azza wa Jal. Mais ils ne les adoraient pas en croyant que ces idoles-là pouvaient créer quelque chose, ou pouvaient donner une quelconque subsistance, d'accord? Ils ne les adoraient pas pour cela. Ils les adoraient en tant qu'intermédiaires avec Allah Azza wa Jal pour se rapprocher d'Allah, d'accord? Et espérant qu'en les adorant, ces idoles-là pourront intercéder pour eux. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième règle. Est-ce que c'était clair, inshallah? Jazakallahu khair. Donc inchallah la semaine prochaine on fera la troisième règle et puis mercredi un autre sujet inchallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khair.